Bien-aimés, je vous bénis tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonjour et j'espère que vous allez bien. Je le crois parce que notre Seigneur Jésus veille sur chacun de nous, de jour comme de nuit. Donc, je ne m'inquiète même pas. Je sais que le Seigneur est vivant et il accomplit son œuvre dans nos vies. Bien-aimés, je voudrais faire une petite exhortation. Parce qu'il est important que les enfants de Dieu sachent qu'il faut faire très attention à la bouche. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, des gens ont beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas contrôlé, géré très bien la bouche. Attention à ce qui sort ici. Attention à ce que tu racontes. Tu ne dois pas raconter ta vie à tout le monde. Parce qu'il y a des jaloux. Il y a des personnes jalouses. Attention. C'est pourquoi il faut faire très attention. Même lorsqu'on est enfant de Dieu, fais attention aux personnes que tu racontes ta relation avec Dieu. Je vais lire dans le livre de Proverbes au chapitre 13, au verset 3. La Bible dit, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Si tu veilles sur ta bouche, tu gardes ton âme. Mais celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. C'est pourquoi le sage fait attention. Quand une pensée apparaît dans ta tête, tu dois faire attention. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que ça peut sortir, oui ou non? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je dois le dire? Quelle sera la réaction des gens? Comment les gens vont l'interpréter? C'est ça l'homme sage. Il ne parle pas parce qu'il faut parler. Il fait attention. Il contrôle cette sortie-là, la bouche. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Combien de personnes sont tourmentées la nuit? Parce qu'ils ont sorti une mauvaise parole et la parole a commis des dégâts. La parole a blessé. Et tu ne sais plus quoi faire. À beau dire, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. C'est trop tard. La parole est sortie. Elle a blessé. C'est pourquoi nous devons contrôler notre bouche. Ça, c'est une parenthèse. En ce qui concerne la présence, les relations entre frères et sœurs en Christ, nous devons faire aussi attention. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a des personnes matures spirituellement. Il y a des bébés aussi. L'apôtre Paul disait, je ne vous donne pas la nourriture solide. Je vous donne le lait parce que vous êtes encore des enfants. Une personne qui est bébé spirituel est encore comme un païen. Elle n'a pas le discernement. Elle ne connaît pas ça. Elle est encore charnelle. Mais si tu dis à cette personne ce que Dieu t'a révélé, la personne peut être jalouse. Parce que la personne est encore charnelle, c'est un bébé. C'est pourquoi dans l'église, il faut faire attention. Si Dieu te dit quelque chose, Dieu t'a montré une vision. Dieu t'a parlé de ta vie, des choses qu'il va faire. Tu n'es pas obligé de raconter ça à qui que ce soit. Garde ça pour toi et tu pourras témoigner après l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Attends l'accomplissement et tu pourras en parler. Ne commence pas tout de suite, tu racontes de gauche à droite. Oh hier, bien-aimé, bonjour. Dieu hier, voici ce qu'il m'a dit. Oh, Dieu m'a montré une vision, ce que je vais devenir, les choses qu'il fera avec moi. Dieu m'a montré que je vais être directeur de grandes sociétés. Dieu m'a montré qu'il va beaucoup me bénir. Mais les personnes charnelles, les bébés chrétiens, peuvent être jaloux. Oh, qu'est-ce qu'il veut montrer? Dieu l'aime plus que nous. Il veut voir quoi? Il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut montrer là? Ça, c'est de l'orgueil. Nous, on n'est pas enfants de Dieu. Tu peux réveiller la jalousie. Tu peux réveiller la jalousie chez certaines personnes qui ne sont pas encore spirituellement matures. C'est pourquoi nous devons faire attention. Dieu dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Mais celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Alors, bien aimé, je veux me servir de deux exemples bibliques où on on voit que les gens ont eu des problèmes parce qu'ils ont raconté ce que Dieu leur avait montré. Ils n'ont pas contrôlé la bouche. Et le diable leur a fait ça dur. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le diable ne peut pas savoir ce qui est dans ta tête. Il ne connaît pas. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est en toi. Jésus-Christ a dit, avant même que la parole, quand tu vas prier, ne sorte, Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Il le sait déjà. Mais le diable ne le sait pas. Si tu me dis maintenant que frère, demain, j'irai à l'église et après, j'irai à l'entreprise, c'est à ce moment-là que Satan est informé. C'est-à-dire, c'est nous qui l'informons par nos paroles. Quand tu parles au bien-aimé, la bien-aimée, voici mon programme de demain, c'est à ce moment-là que le diable entend et connaît ton programme de demain. Mais il ne peut pas deviner, tant que ça ne sort pas ici, Satan ne sait pas ce que tu feras demain. C'est pourquoi parfois, il est mieux de ne pas trop bavarder, parce que quand tu bavardes trop, tu ne fais que l'informer, et il va te mettre les bâtons dans les roues, parce qu'il connaît déjà le programme de ta journée. Ce n'était qu'une parenthèse. Donc, je vais d'abord lire l'histoire de quelqu'un que vous connaissez très bien. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Je vais lire dans Genèse, au chapitre 37, je vais lire à partir du verset 5. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent. Encore plus, il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Voici ce que Dieu m'a montré. On était en train d'attacher des gerbes. La mienne est restée debout. Vos gerbes sont venues faire des courbettes devant la ma gerbe. Ces frères ont mal interprété ça. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il va nous commander. Il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, on va être ses boniches. C'est lui qui va nous commander. Et ça a créé la honte, je vais dire, la jalousie dans les cœurs de ses frères. Et vous allez voir comment ils l'ont traité. Joseph, tu n'étais pas obligé, même si cela s'est accompli. Mais tu t'es attiré des ennuis en racontant ce que Dieu t'avait montré. Tu n'es pas obligé. La vision que Dieu t'a donnée là, c'est pour toi. Si tu veux témoigner, attends d'abord l'accomplissement. Tu pourras parler de ça après. Parce que si tu le racontes de gauche à droite, tu peux tomber sur des personnes jalouses qui vont t'en vouloir, qui vont te détester. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas contentes des bénédictions des autres. C'est-à-dire, quand elles voient que tu es béni, il est jaloux. Il y a des personnes comme ça. Ces personnes-là n'aiment pas le bonheur des autres. C'est pourquoi il ne faut pas raconter. Ces frères sont devenus ses ennemis. La Bible dit, ils le détestaient. Et pourtant, c'est leur frère de même père, même mère. C'est pourquoi dans l'église, il ne faut pas raconter ce que Dieu t'a montré. Il ne faut pas raconter. Attends d'abord l'accomplissement et tu pourras raconter après. C'est pourquoi Joseph a eu des ennuis. Alors, je veux vous parler d'une autre histoire que vous connaissez très très bien. Vous avez entendu parler d'un jeune homme qui s'appelle Samson. Vous connaissez l'histoire. Je veux lire l'histoire de notre frère en Christ, Samson. C'est dans Juges, au chapitre 13, je vais lire à partir du verset 13. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Ils Ils ont fait des choses que Dieu n'aime pas, que Dieu condamne. Alors, Dieu les livre aux Philistins. Pendant 40 ans, les Philistins leur ont fait ça. Dieu, ils étaient sous la domination des Philistins, livrés pendant 40 ans. Gloire à Dieu. Écoutez la suite. Il y avait un homme de Toréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme de Manoach et lui dit, « Te voici stérile, sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu vas avoir un fils, madame. Tu vas avoir un fils, toi qui es stérile. Mais attention, tu ne dois boire ni vin, ni liqueur forte, pas d'alcool dans ta bouche. Pendant que tu seras enceinte de cet enfant, tu ne touches ni au vin, ni au liqueur. Gloire à Dieu. Parce que tu vas devenir enceinte. Gloire à Dieu. Et l'ange lui dit, il faut que tu saches aussi que cet enfant qui va naître, il ne faut jamais raser ses cheveux. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Parce que Dieu a un plan pour cet enfant. Dieu va commencer à délivrer Israël par cet enfant. Mais pour que cet enfant garde cette force, le rasoir ne doit jamais passer sur sa tête. C'est le secret. Alors, cette femme est tombée enceinte de Samson. Il faut comprendre que les Israélites sont sous la domination des Philistins. Pendant 40 ans, les Philistins marchent dessus. Il faut voir en Philistins des démons. Qu'est-ce qui va se passer? Samson va grandir. Et à chaque fois que les Philistins venaient attaquer les Israélites, Samson se mettait là. Il terrassait les Philistins. À chaque fois que les Philistins tentaient une opération, que ce soit de jour, que la nuit, Samson, peu importe, était là. Il leur faisait face. Et Samson les terrassait tous. Il fuyait devant Samson. Il fuyait. Israël était fier de Samson. Ils avaient un leader, un chef de guerre. Quelqu'un de fort qui avait la puissance en lui. Et quand les Philistins le voyaient, ils prenaient la fuite. Samson était l'obstacle pour les Philistins. Comment faire pour terrasser ce gars? Comment on peut faire pour l'éliminer? Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Samson voit une jolie femme, une belle femme. La fille était belle. Et la fille dit à Samson, je m'appelle Dalila. Je suis des Philistins. Mais Samson sait très bien qu'elle n'est pas israélite. Elle est philistine. Mais elle est belle. Oh, sa fille est jolie. Oh, la fille est belle. Il me faut cette fille. Bon, elle n'est pas israélite. C'est pas grave. Je vais quand même la voir. Samson rentre chez lui. Après cet entretien avec Dalila, il raconte ça à ses parents. Papa, maman, j'ai vu une fille là, Dalila. La Bible dit, les parents se sont opposés. Mon fils, qu'est-ce qui te prend? Quoi? Avec tout ce qu'il y a ici en Israël, comme des belles filles. Pourquoi une Philistine? C'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Il y a des jolies filles ici en Israël. Mais Samson n'a pas écouté les parents. Il était amoureux de Dalila. Elle était belle. Et Samson a commencé à sortir avec Dalila. Quand les Philistins ont vu que quoi? L'homme-là qui nous fait la vie dure, il sort avec notre fille. Ils se sont dit, ok, on va voir ça. on va passer par Dalila. Comme il est amoureux de notre fille, Dalila va être l'instrument pour connaître le secret de sa force. C'est pas normal qu'une seule personne nous tient tête. Et c'est comme ça qu'ils viennent voir Dalila. Alors Dalila, ma fille, le gars est amoureux de toi. On le voit venir te voir. S'il te plaît, on va passer par toi pour connaître le secret de sa force. Comme tu es avec quelqu'un, vous êtes dans la chambre là. Demande-lui son secret. Nous, on pourrait t'apporter une récompense. Si tu réussis à connaître le secret, nous voulons le secret. Ce n'est pas normal qu'une seule personne nous met à terre. Il doit avoir un secret. La force là n'est pas naturelle. Va fouiller sa vie. Alors, Samson et Dalila se retrouvent dans la chambre. Chérie, ça va? Oh chérie, je t'aime. Parce que tu es fort. Moi, j'aime les hommes forts. Franchement, chérie, tu me plais. Franchement, quand je te vois, tu es un beau garçon en plus. Tu es plein de force. Moi, j'aime des hommes comme toi. Mais, chérie, excuse-moi. Parfois, je me pose des questions. Est-ce que ta force-là est naturelle ou bien tu as un secret? Samson dit, oui, j'ai un secret, chérie. Si on m'attache les deux pieds et des bras et des jambes, avec une corde fraîche, l'affaire est réglée. Je perds ma force. Ah bon? Oui, chérie. Dalila sort. Il va trouver les Philistins. Il m'a dit la vérité. Quoi? Il suffit, si j'avais des cornes, j'attache les deux bras et les deux pieds, il perd sa force. D'accord. Les Philistins sont allés chercher rapide les cornes. Vas-y, tiens, tiens, ma fille, tiens, vas-y. Tu nous signales après, tu nous signales quand les mains et les pieds seront liés. Ok. Ah chérie, bon, tu me permets de t'attacher, c'est juste pour jouer. Dalila a tourné la langue, parce qu'imaginez, qu'est-ce qui va pousser Samson à se laisser attacher? Quand une femme a un plan ou un homme, peu importe. Elle a bien joué le jeu. Pour que Samson se laisse attacher. Oh chérie, je t'aime. Oh chérie, tu es musclé, tu as un beau corps. Ah, j'aime tes jambes. Bon chérie, j'attache. Hein. C'est juste pour s'amuser. Après, elle est allée dire aux Philistins, ça y est, c'est bon. J'ai bien attaché les bras et les pieds. Vous pouvez aller. Quand les Samson arrivent, Salomon a vu quoi? Les Philistins. Boum! Il a écrasé, il a détaché les liens. Il s'est mis à les tabasser comme d'habitude. Il fuyait partout comme des mouches. Quand ces personnes rencontrent Dalila après, ma fille, c'est quoi? Regarde ce que tu nous as fait hier. Tu nous as menti. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit si on l'attache. Mais non, ça ne va pas. Il y a un secret, ce n'est pas normal. Une seule personne nous tient tête. Ça ne va pas. Il y a un secret, ma fille. Il n'y a que toi. Il est amoureux de toi. C'est toi qui peux connaître le secret. Dieu avait dit à la maman de Samson, le rasoir ne doit jamais passer sur sa tête. Il ne faut pas que ce garçon ait la tête rasée. Parce que le jour où sa tête sera rasée, il perdra sa force. C'était le secret. La maman de Samson connaissait le secret. Samson aussi connaissait le secret. Puisque sa mère lui avait dit ça. Que mon fils, ne jamais passer le rasoir ici. Alors, Dalila revient. Oh, ma chérie, je suis pas d'accord. Non, non, non, non, non. Non, ça va, chérie. Non, ça va pas. Pourquoi? Tu m'as menti hier. Tu m'as dit que si on t'attache les pieds, c'est quoi ça? Et tu dis que tu m'aimes. Tu m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu allais me dire la vérité. Oh, chérie, je t'aime. C'est quoi? Hein? Moi, là, c'est comment? Approche ici, chérie, approche. Moi, je t'aime. Tu sais quoi? Même mes parents ne voulaient pas de toi. Quand je leur ai dit une fille des Philistins, ils ont dit niet. C'est parce que je t'aime que je peux écouter mes parents. Donc je t'aime quoi ça? Non, moi je ne crois pas. Tu as un secret, pourquoi tu me caches ça? Si vraiment tu as confiance en moi, si vraiment tu crois mon amour, si tu crois vraiment que je t'aime, que je suis la femme que tu aimes, pourquoi tu me caches les choses? Tu ne dois rien me cacher. Tu n'as pas confiance en moi. Ok, d'accord, d'accord, d'accord, je vois. La Bible dit, elle a harcelé Samson toute la nuit. Elle n'a pas laissé le pauvre gars dormir. Ah non, il fallait coûte que coûte que Samson livre le secret. Et comme ce dernier, harcelé par Dalila, voulait dormir, elle, il voulait le repos. Oh bon, elle m'embête. Ok Dalila, ça fait longtemps, moi j'ai envie de dormir, tu m'embêtes là. Bon, le secret c'est quoi? Regarde-moi bien. Maman m'avait dit que l'ange lui avait dit qu'il ne fallait pas que ma tête soit rasée. Tu me connais le secret? C'est ça. C'est-à-dire que si un jour, je commets la bêtise de raser ma tête là, je perds ma force. La Bible dit, quand il avait dit ça, Dalila a su que là, je crois qu'il est sérieux là. Là, il ne fait pas de blague. Ça doit être ça le secret. Et quand Dalila est partie dehors trouver les Philistins qui rôdaient dans les alentours, parce qu'ils attendaient la réponse. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il paraîtrait que l'ange lui avait dit qu'il ne fallait pas que sa tête soit rasée. S'il rase la tête, il perd sa puissance. Ah bon? Oui. Ok, on arrive. On va chercher le rasoir. Et c'est comme ça que Dalila vient. Moi, je pose une question. Je demande à Samson, quand Dalila enlève tes cheveux, est-ce qu'il t'avait drogué? C'est juste ma question. Tu sais bien que le secret vient de là. Je ne sais pas est-ce que, comment Dalila a fait pour enlever ses cheveux. Comment Samson s'est laissé faire? C'est ma question jusqu'aujourd'hui. La fille a enlevé les cheveux. Madame a tout rasé. Et elle amène les cheveux montrés aux Philistins. C'est ça les cheveux. Ah bon? Oui. Vous pouvez aller. Les Philistins sont entrés dans la chambre. Samson a voulu faire comme d'habitude. La puissance était partie. Les Philistins lui ont fait la fête. Ils l'ont tabassé. Ils l'ont attaché. Et ils l'ont amené là où ils adoraient leur dieu Dagon. Parce qu'il faut comprendre que Dagon était le dieu des Philistins. Le Dagon, c'est le diable. Et la statuette de Dagon était là. Et c'est là qu'on amène Samson attaché. Et ils se sont mis à chanter à la gloire de Dagon. Et les Philistins disaient, c'est grâce à Dagon qu'on a eu Samson. Ils chantaient pour Dagon. Ça veut dire quoi? Samson, tu as l'esprit de Dieu. Dalila a l'esprit de Dagon. Quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Jésus-Christ a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et lorsque les Israélites ont dit à Jésus que nous avons pour père Abraham, Jésus a dit, si vraiment Abraham était votre père, vous saurez qui je suis, puisqu'Abraham a parlé de moi. Vous avez pour père le diable. Oui, mon frère, ma soeur, toute personne qui n'est pas en Jésus a pour père le diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Parce que quand tu dis ça à un mondain, oh, tu me juges, pourquoi? Ah bon, c'est toi qui es enfant de Dieu, moi j'ai pour père le diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sorti de la bouche de Jésus. Bien-aimé, il faut que vous sachiez que le corps physique, ce corps-là, ton esprit habite à l'intérieur de ce corps. Le plan parfait de Dieu est que ton esprit habite là-dedans, avec l'esprit de Dieu. Or, toute personne n'a pas l'esprit de Dieu. Quiconque n'est pas en Jésus n'a pas l'esprit de Dieu. Mais dans ce corps, il y a des locataires qui habitent là-dedans. Lorsque Jésus se retrouve en face de cette personne qui était possédée de légions de démons, les démons s'agitaient, et Jésus dit, qui êtes-vous? Les démons ont dit légions. Les démons qui ont dit légions habitaient où? Dans le corps de la personne. C'est Jésus qui opère la délivrance dans la vie de cet homme. Et quand les gens, les connaissances de ce monsieur ont vu le changement sur le champ, ils se sont posé des questions. Oh! Cet homme a changé, là, il devient sérieux là, c'est la vraie personne. Beaucoup de personnes parmi nous sont possédées de démons. Parce que le problème, c'est que Dalila a en elle les démons de Dagon. Samson a en lui le Saint-Esprit. Ils sont ensemble au lit. Le problème, Samson, tout ce que tu vas dire à Dalila, là, c'est pas Dalila le problème. Le païen, c'est pas lui le diable. Un païen, c'est pas le diable, c'est un homme comme nous. Mais seulement, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, les démons peuvent le manipuler comme ils veulent à tout moment. La Bible dit, c'est lorsque Satan est rentré dans Judas, que Judas tout de suite a eu l'envie de livrer Jésus. Qui a produit cette envie dans le cœur de Judas? C'est quand Satan est rentré, donc c'est Satan qui a produit cette envie, ce désir. Donc le païen qui est dans tes bras là, ma soeur, la païenne là, mon frère, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais il y a quelqu'un, un locataire qui habite dans son corps. Et tant que cette personne n'est pas en Jésus, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut chasser ce locataire. C'est Jésus qui apporte la délivrance. C'est pour vous dire que tout païen a un locataire qui le gère. Qui le gère? Vous avez entendu parfois des gens dire à la télé, j'ai entendu une voix me dire, prends le couteau et tue, et la personne a exécuté. C'est qu'elle a entendu? Oui, la personne a entendu une voix, ce n'est pas le mensonge. Ce sont des locataires qui habitent en elle, qui lui ont dit, tue. L'esprit de l'homme n'est pas le seul à habiter dans le corps d'un païen. Il y a des locataires cachés. C'est pourquoi lorsqu'on vient en Jésus, il y a la délivrance. Les démons qui partent là, ils habitaient où? Dans ce corps. Ça c'est une maison, cette enveloppe là. Ton esprit habite à l'intérieur. Quand tu vas mourir, ça va à la poussière, ça va pourrir. Mais c'est une maison. Ton esprit, mon esprit habite là-dedans. Le Saint-Esprit habite aussi. Ils sont à deux. Mais quand tu n'es pas né de nouveau, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a ton esprit qui habite dans le corps et d'autres locataires qui sont cachés. Ce sont ces locataires-là qui peuvent te rendre violent si c'est un esprit de violence habite en toi. Ce sont ces locataires-là qui te poussent à fumer la drogue, à boire l'alcool, à être accro de l'impudicité. Ce sont des esprits des ténèbres qui viennent en toi pour te gérer, pour te contrôler. Ils ne partiront que le jour où Jésus, tu vas accepter Jésus et Jésus les met dehors. Parce que c'est Jésus qui délivre les captifs. C'est Jésus qui délivre les prisonniers. C'est la raison pour laquelle, tant que tu n'es pas en Jésus, il y a un locataire qui habite dans ton corps. Il est là. C'est lui qui te rend violent. C'est lui qui te rend accro de la cigarette. C'est lui qui te rend accro des boîtes de nuit. C'est lui qui te rend accro de l'alcool. Il est en toi. Il faut que tu passes par la délivrance pour que Jésus le mette dehors. C'est ça la vérité. Donc, nous devons faire attention. Frère, Dieu t'a révélé quelque chose. C'est vrai. Tu as vu la vision, Dieu t'a parlé pour quelque chose qu'il va accomplir dans ta vie. Ferme ici. Ne raconte pas tout de suite. Après l'accomplissement, tu peux raconter de A à Z ce que Dieu t'avait dit. Ne parle pas avant. Tu risques d'avoir des problèmes. Parce qu'il y a des jaloux. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'église. Parce que tout le monde n'est pas affermi. Il faut être sage. C'est pourquoi la Bible disait que, gloire à Dieu, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Mais celui qui ouvre ici les grandes lèvres court à sa perte. Attention! Il ne faut pas informer le diable, ni informer les sorciers de ce que tu vas faire, ou informer les sorciers de ce que Dieu a promis faire avec toi. L'accomplissement de Joseph a eu lieu. Mais il est passé par des difficultés parce qu'il avait parlé. Dieu ne lui avait pas dit de parler. Donc, mon frère, ma soeur, soyons sages. Soyons sages. Si Dieu t'a parlé, c'est pour toi. Gloire à Dieu. Tu pries, jeûne et prière. Tu crois à ce que Dieu t'a dit. Tu gardes ça pour toi jusqu'à l'accomplissement. Et quand ça va s'accomplir, tu peux témoigner. C'est ça la sagesse. Que Dieu vous bénisse.